La mère Barbeau ne pouvait assez s'émerveiller de l'habileté de la petite fadette. Et le soir, elle disait à son homme « Voilà Sylvinet qui se porte mieux qu'il n'a fait depuis 6 mois. C'est qu'il parle de la petite fadette comme du bon Dieu. Il n'y a pas du bien qu'il n'en ait dit. Il souhaite grandement le retour et le mariage de son frère. » La vie leur fut bien douce entre tous pendant une demi-année, car la chaîne Nanette fut accordée à Cadet Caillot. Les deux mariages eurent lieu le même jour et à la même messe, et comme le moyen ne manquait pas, on fit de très belles noces. Rien ne corrompit la joie de Landry et toute la famille, et mêmement, on pourrait dire, de tout le pays.